avec les Parisiens de leurs amis. Et comme nos amis sont Parisiens et qu'ils s'en vont tous en Normandie, ben on y va aussi. Les Parisiens, à quelle chance ils ont les Parisiens, vivre à Paris. Puisque sur tous les murs de Paris, on peut lire Paris, la Normandie. En moins de 2h30, alors, bien sûr, alors on n'a pas hésité. Le ciel, la mer sont là à nous en profiter. Et un matin, pour les vacances avec les Parisiens, on est parti. Adieu la colline et l'affluence, la fumée, les contredanses, et vive la Normandie. Et chez mes 10 heures de moins que les autres Paris.